c'est méga. La rage de pas avoir de zèle sur moi pendant que l'état sur mon dos se régale. A savoir que j'ai beaucoup de potes, mais peu d'amis. Ça m'oblige à compter que sur ma gueule. Et ouais, l'ami qui m'aiguise la débrouille, l'église. Pas rentable pour l'instant, alors je néglige. Je rappe pour tout le monde et en même temps, je vous baisse tous. Rap un gun, il me reste plus qu'une bastos. J'aime l'argent facile mais fuck la planche. Fuck la France, je suis un Joe, fuck la manche. Qui m'aiguise être un de ces jeunes, car trop fin. Né à Kinshasa dans les années 80. Ce qui me motive c'est ma négritude. La modestie de ma paire de couilles, ma riposte quand on me crie dessus. L'amour de ta soeur ou ta meuf qui marcelle pour mon charme, ma couleur et mon chip de dingue. Ma haine contre les schmicks c'est fils de timbre. Rappé, même si je fais pas des chiffres de dingue. J'rappe pour ma aiguise. Le manque de main est m'aiguise. J'crois en Dieu mais j'veux pas à l'église. J'fais que rapper, boire des 16. Niquer la vie, fuck la République française. J'suis qu'un jeune d'Afrique centrale qui toute sa vie a décidé d'être fric sans être grave. J'rappe pour mes Joe, pour ma race. Si t'aimes pas vachement, pas la race. Si mes négros vendent tous, la main attire comme une ventouse. Ce qui m'intéresse moi, le rap, la teuf, les partous. Faire brûler mon son partout. Que les faux partous, que mes rouillards crient tous partout. Parce que la rue, moi je la défends. Je rappe pas dans le vent. Faut de l'oser avant de partir les pieds devant. Moi la nuit, je rêve de baisse. De luxe et de baisse. De PM et de Jennifer Lopez. Ruchiman, Ruchiman. C'est pour les repeux négros, Timal. Critique pas sa pète comme un Hiroshima. J'ramène ma grosse tête de Z partout où le son pète. Nique son père. Chic mon son tue comme les empères. J'enivre, ma voix rend les gens ivres. Despo Routy featuring Jean-Yves. Mon son pète la scène Saint-Denis. Va voir le mec. Saint-Denis, j'rappe en main aiguise. Le manque de main m'aiguise. J'crois en Dieu mais j'veux pas à l'église. J'fais que rapper, boire des 16. Niquer la vie, fuck la République française. J'suis qu'un jeune d'Afrique centrale qui toute sa vie a décidé de faire du fric sans être rap. J'rappe pour mes dieux, pour ma race. Si t'aimes pas vachement, pas la race. Qu'est-ce qui m'aiguise? Shadow, Bandouest, Joe Ballard, Despo Routy. Qu'est-ce qui m'aiguise? Les clics, Anansi, Omega, 93. Qu'est-ce qui m'aiguise? Gaston, Freddy, son Majestic, défenseur de paf. Néguise, néguise, néguise, néguise, néguise, néguise, néguise, néguise, néguise, néguise.